La cérémonie de clôture des 53e compétition sportive nationale des écoles de sport juniors a eu lieu le 10 courant à l'arrondissement de Kowon de la province du Hamgyong du Sud. Y ont pris part les quatre intéressés, les joueurs et joueuses et les enfants de l'arrondissement de Kowon. On a conféré les coupes et les médailles aux meilleures équipes et joueurs.